بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'heure où ils devront rendre des comptes approche pour les hommes, mais dans leur insouciance, ils s'en détournent. Chaque fois que leur parvient un nouveau rappel de leur Seigneur, ils l'écoutent, puis s'en moquent, le cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Mohammed n'est rien d'autre qu'un mortel comme vous. Succomberez-vous à la magie alors que vous voyez clair ?» قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Dit, mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel comme sur la terre. Il entend tout et sait tout. Non, disent-ils, ce n'est qu'un amas de rêves, ou alors il l'a inventé, ou encore c'est un poète. Qu'il nous apporte donc un signe identique à ceux avec lesquels furent envoyés les premiers messagers. Ma amanat qablahum min قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. Pas une seule cité n'y a cru à ces miracles parmi celles que nous avons détruites avant eux. Ceux-ci croiront-ils donc? Nous n'avons envoyé comme messagers avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux savants parmi les gens du livre si vous ne savez pas. Nous ne leur avons point donné des corps qui ne consommaient pas de nourriture et ils n'étaient point immortels. Puis, nous avons réalisé la promesse que nous leur avions faite. Nous les avons délivrés, eux et ceux que nous voulions sauver, et nous avons détruit les outranciers. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Nous vous avons révélé un livre dans lequel se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas ? وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Combien de communautés avons-nous détruites à cause des injustices qu'elles commettaient, et nous avons établi d'autres peuples après elles. Et quand ces gens sentirent que notre châtiment approchait, ils tentèrent d'y échapper en s'enfuyant. Ne fuyez pas, retournez plutôt dans vos demeures, à la vie aisée que vous meniez, peut-être vous demandera-t-on des comptes. Ils dirent, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Telles ne cessèrent d'être leurs lamentations, jusqu'à ce que nous les laissions inertes, comme des épis fauchés. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Ce n'est pas par jeu futile que nous avons créé le ciel, la terre et tout ce qui se trouve entre eux. Si nous n'avions voulu que nous divertir, nous aurions trouvé un divertissement auprès de nous, sans qu'il fût besoin de création, si tel avait été notre désir. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Nous projetons la vérité contre l'erreur, afin de détruire cette dernière, et voilà qu'elle disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Dieu. C'est à lui seul qu'appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et ceux qui se trouvent près de lui ne ressentent aucune humiliation à l'adorer, et ils ne s'en lassent jamais. Il le glorifie nuit et jour, sans jamais faiblir. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Quoi, ces dieux qu'ils ont eux-mêmes tirés de la terre seraient-ils capables de ressusciter les morts? S'il y avait d'autres divinités que Dieu dans les cieux et sur la terre, ciel et terre seraient livrés au chaos, gloire à Dieu, le Seigneur du trône. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui attribue. Il n'a pas à répondre de ce qu'il fait, c'est plutôt lui qui les interrogera. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Ont-ils pris d'autres divinités en dehors de lui? Dis, apportez donc votre preuve de leur divinité. Ceci est le rappel que je transmets à ceux qui sont avec moi, et le rappel de ceux qui vécurent avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité, alors ils s'en détournent. Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi à qui nous n'ayons révélé. Nulle divinité excepté moi, adorez-moi donc. بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Et ils disent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, gloire à lui. Ceux qu'ils appellent fils sont plutôt d'honorables serviteurs. Ils ne parlent pas avant qu'il n'ait parlé, et ils agissent selon ses ordres. Dieu sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il agrée, tout en étant saisi de sa crainte. Et quiconque d'entre eux dirait, certes je suis un Dieu autre que lui, aura l'enfer pour rétribution, car c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Ceux qui ne croient pas, ne savent-ils pas que les cieux et la terre ne formaient à l'origine qu'une masse compacte? Puis nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Et nous avons implanté des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant avec elles. Et à travers ces montagnes, nous avons dessiné des ravins servant de route afin de leur faciliter le passage. Et nous avons fait du ciel une voûte protégée et cependant, ils se détournent de ses signes. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, et il a créé le soleil et la lune, qui se déplacent chacun sur sa propre orbite. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Jamais dans le passé nous n'avons accordé l'immortalité à quelque être humain que ce soit. Quoi? Si toi-même tu meurs, seront-ils eux immortels? Toute âme doit goûter la mort, et nous vous éprouvons tant par le bien que par le mal. Puis, c'est à nous que vous serez ramenés. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Et lorsque les mécréants te voient, ils ne font que se moquer de toi en disant, est-ce celui-là qui parle en mal de vos divinités, tandis qu'il rejette tout rappel du tout miséricordieux? لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. L'homme a été créé impatient. Bientôt je vous montrerai mes signes, ne me demandez donc pas de les hâter. Et il demande, quand cette promesse se réalisera-t-elle, si vous êtes véridique? Si seulement les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront protéger du feu, ni leur visage, ni leur dos, et où ils ne seront point secourus. Mais non, l'heure les saisira de façon si soudaine qu'ils en resteront stupéfaits. Ils ne pourront pas la repousser, et on ne leur accordera aucun répit. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. On s'est déjà moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se moquaient furent cernés par le châtiment qu'ils tournaient en dérision. Dis, qui vous protège de nuit et de jour contre le châtiment du tout miséricordieux? Pourtant, ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ont-ils donc des divinités qui peuvent les protéger contre nous? Mais ces divinités ne peuvent même pas se secourir elles-mêmes, et encore moins être défendues contre nous. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Nous les avons laissés jouir des biens de ce monde, eux et leurs ancêtres, jusqu'à un âge avancé. Ne voient-ils pas que lorsque nos coups s'abattent sur leur terre, nous en réduisons les frontières? Seront-ils alors les vainqueurs? قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dis aux gens, je ne fais que vous avertir sur la base de ce qui m'est révélé, mais les sourds n'entendent pas l'appel lorsqu'on les avertit. Si à peine un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleurait, ils diraient sûrement « Malheur à nous, nous étions vraiment injustes. » Au jour de la résurrection, nous apporterons des balances justes et nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Tout sera considéré et nous suffisons largement pour dresser les comptes. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Certes, nous avons donné à Moïse et à Aaron le livre du discernement ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens pieux, qui craignent leur Seigneur dans le secret de leur âme et redoutent l'heure du jugement. Et ce Coran est aussi un rappel béni que nous avons révélé. Allez-vous donc le rejeter ? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين Auparavant, nous avions fait suivre à Abraham une voie de droiture. Et nous le connaissions parfaitement. Lorsqu'il dit à son père et à son peuple, « Que sont ces statues auxquelles vous êtes si dévoués ?» Ils répondirent, « Nous avons vu que nos ancêtres les adoraient avant nous. » Abraham répondit, « Certes, vous et vos ancêtres étiez dans l'erreur. » Ils dirent, « Nous apportes-tu la vérité ou plaisantes-tu ? » Bien au contraire, dit Abraham, « Votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés. Je suis un de ceux qui en témoignent. Et par Dieu, je m'occuperai certes de vos idoles une fois que vous serez partis. » فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ Il les fit alors toutes voler en éclats, à l'exception de la plus imposante, pensant qu'ils s'en prendraient à elle. « Qui a osé faire cela à nos divinités ?» s'exclamèrent-ils. « Il s'agit certainement d'un homme injuste. » Certains dirent, « Nous avons entendu un jeune homme du nom d'Abraham dire du mal d'elle. » On donna alors l'ordre, « Alors amenez-le ici, devant les gens, afin qu'il puisse témoigner contre lui. » On demanda à Abraham, « Est-ce toi qui as fait cela à nos idoles, ô Abraham ?» Il répondit, C'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si toutefois elles peuvent parler. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون Ils se ravisèrent alors et se dirent entre eux Après tout, c'est sûrement nous qui sommes dans l'erreur. Puis, totalement perplexes, ils firent volte-face et dirent « Tu sais bien que ces idoles ne parlent pas. » Alors Abraham dit « Adorez-vous donc à la place de Dieu, ce qui ne peut ni vous être utile, ni vous nuire. Honte à vous et à tout ce que vous adorez à la place de Dieu. Ne raisonnez-vous pas ?» قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ Ils crièrent, brûlez-le et défendez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Alors nous dîmes, ô feu, soit pour Abraham une fraîcheur apaisante. Ils avaient voulu sa perte, mais nous fîmes d'eux les plus grands perdants. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Et nous les avons sauvés, lui et Lot, et les avons conduits vers la terre que nous avons bénie pour tous les peuples. Et nous lui avons donné Isaac ainsi que Jacob pour petit-fils, et nous avons fait d'eux des hommes vertueux, ainsi que des dirigeants qui guidaient les gens selon nos ordres, et nous les avons inspirés de faire le bien, d'accomplir la prière assidûment et de donner régulièrement charité, et ils n'adoraient que nous. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين Et à Lot, nous avons donné jugement et savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient des abominations. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين Et nous l'avons fait entrer au sein de notre miséricorde, car il était vraiment du nombre des vertueux. Et avant cela, nous avons exaucé Noé, qui nous implorait. Nous l'avons sauvé, lui et les siens, d'une immense détresse. Et nous l'avons délivré du peuple qui rejetait nos signes. Certes, c'étaient des gens du mal, alors nous les avons tous noyés. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ Et quand David et Salomon eurent à rendre un jugement au sujet d'un champ, où des moutons appartenant à certaines personnes s'étaient égarés de nuit et avaient pâturé. nous fûmes témoins de leur jugement. Et nous donnâmes à Salomon la capacité de comprendre la situation, et à tous deux, nous donnâmes jugement et savoir. Nous assujettîmes les montagnes et les oiseaux au pouvoir de David, et ils exaltèrent notre gloire en sa compagnie, et tout cela fut notre œuvre. Et nous apprîmes à David l'art de fabriquer des cottes de mailles, afin qu'elles vous protègent contre votre propre violence. En êtes-vous reconnaissant ? ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك Et le vent impétueux fut soumis par nous à Salomon, sur son ordre. Il se dirigeait vers la terre que nous avions bénie, et nous sommes informés de toutes choses. Et parmi les diables qui lui étaient soumis, certains plongeaient pour lui à la recherche de perles, et faisaient d'autres travaux encore, tandis que nous les surveillons. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم Et Job, lorsqu'il implora son Seigneur en disant « Certes, la souffrance m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous exaucâmes sa prière, le délivrâmes de sa souffrance, lui rendîmes les siens qu'il avait perdus, et doublâmes leur nombre, par un effet de notre miséricorde, et en tant que rappel à ceux qui nous adorent. Et Ismaïl, Idris et Zulkifl, tous faisaient preuve de patience, et nous les fîmes entrer au sein de notre miséricorde, car ils étaient du nombre des vertueux. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذنون جوناس. Quand il partit irrité, il pensait que nous n'avions qu'un pouvoir sur lui. Puis, dans les ténèbres, il nous implora ainsi. « Nulle divinité à part toi, gloire à toi, j'ai vraiment été injuste. » Nous l'exaucâmes et le délivrâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. « وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Et Zacharie, lorsqu'il implora son Seigneur, mon Seigneur, ne me laisse pas seul sans descendance, bien que tu sois le meilleur des héritiers. Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Jean pour fils et apportâmes la guérison à sa femme, pour qu'il puisse porter l'enfant. Certes, les prophètes rivalisaient en bonnes actions et nous imploraient par amour et crainte envers nous. Et ils étaient humbles devant nous. أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Et celle qui était restée chaste, Marie, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de notre esprit et fîmes d'elle, ainsi que de son fils, un signe pour toute l'humanité. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Les générations ultérieures ont divisé leur religion en sectes, mais tous reviendront vers nous. Quiconque fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, son effort sera reconnu et ses bonnes œuvres seront inscrites à son actif. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Et pour toute communauté que nous avons détruite, il y a une interdiction de revenir, jusqu'à ce que soient relâchés les peuples de Gog et Magog, et que, de toutes les collines, il dévale à toute vitesse. C'est alors que la vraie promesse se rapprochera et que les yeux des mécréants se figeront de terreur. Ils diront « Malheur à nous, nous vivions de façon insouciante, mais plus encore, nous étions vraiment injustes. » إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Certes, vous et ceux que vous adoriez en dehors de Dieu servirez de combustible à l'enfer, et vous vous y rendrez tous. Si cela était vraiment des dieux, ils n'entreraient pas en enfer, mais tous y demeureront éternellement. Ils y pousseront des gémissements, mais eux-mêmes ne pourront plus rien entendre. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Cependant, ceux à qui nous avions déjà fait une belle promesse seront écartés de l'enfer. Ils n'en entendront pas le moindre crépitement et jouiront éternellement de ce que désire leur âme. L'horreur suprême ne les affligera pas, et les anges les accueilleront en disant « Voici le jour qui vous a été promis. » إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ce jour-là, tel un scribe roulant un parchemin, nous roulerons les cieux sur eux-mêmes, et comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et certes, nous l'accomplirons. Et nous avons certes écrit dans les psaumes, après le rappel, « Seuls mes vertueux serviteurs hériteront de la terre ». En vérité, il y a dans ce Coran un message destiné aux gens dévoués dans leur adoration. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Dis, il m'est seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Vous soumettrez-vous enfin à lui? Mais s'il se détourne, dis-leur, je vous ai tous également avertis, et j'ignore si ce dont vous êtes menacés est proche ou lointain. Il sait ce que vous déclarez ouvertement et ce que vous cachez en vous-même. Et j'ignore si ce délai qui vous est accordé constitue une tentation pour vous ou une jouissance temporaire. Il dit, mon Seigneur juge en toute vérité, notre Seigneur est le tout miséricordieux, et c'est lui dont nous implorons le secours contre ce que vous lui attribuez.